Chapitre 2, sous-chapitre 27 à 33 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martine. Des troupeaux. La sorcellerie s'est considérablement occupée des troupeaux. Les exemples suivants donneront une idée des secrets mis en usage par les jongleurs pour la tenue et la conservation des troupeaux. Le château de Bellegarde pour les chevaux. Prenez du sel sur une assiette. Puis, ayant le dos tourné au lever du soleil et les animaux devant vous, prononcez, étant à genoux, la tête nue, ce qui suit. Sel qui est fait et formé au château de Belle, Sainte-Belle-Élisabeth, au nom d'Isolet, sauf et portant sel, sel dont sel, je te conjure, au nom de Gloria, d'Orienté et de Galliane, sa sœur, sel, je te conjure, que tu aies à me tenir mes vifs chevaux de bêtes cavalines que voici présents, devant Dieu et devant moi, sains et nets, bien buvants, bien mangeants, gros et gras, qu'ils soient à ma volonté. Celle dont celle, je te conjure par la puissance de gloire et par la vertu de gloire, et en toute mon intention, toujours de gloire. Ceci prononcé au coin du soleil levant, vous gagnez l'autre coin. Suivant le cours de cet astre, vous y prononcez ce que dessus. Vous en faites de même aux autres coins, et étant de retour où vous avez commencé, vous y prononcez de nouveau les mêmes paroles. Observez pendant toute la cérémonie que les animaux soient toujours devant vous, parce que ceux qui traverseront sont autant de bêtes folles. Faites ensuite trois tours autour de vos chevaux, faisant des jets de votre sel sur les animaux, disant « Sel, je te jette de la main que Dieu m'a donnée, grappin je te prends, à toi je m'attends. » Dans le restant de votre sel, vous saignerez l'animal sur qui on monte, disant « Bête cavaline, je te saigne de la main que Dieu m'a donnée, grappin je te prends, à toi je m'attends. » Autre garde. Astarin, Astaro, qui est Bahol, je te donne mon troupeau à ta charge et à ta garde. Et pour ton salaire, je te donnerai bête blanche ou noire, telle qu'il me plaira. Je te conjure, Astarin, que tu me les gardes partout dans ces jardins, en disant « Hurlu papa ». Vous agirez suivant ce que nous avons dit au château de Belle et ferez le jet prononçant ce qui suit. Gupin ferant à Failli le grand, c'est qu'à un qui te fait chat. Vous les frotterez avec les mêmes paroles. Autre garde. Bête à laine, je te prends au nom de Dieu et de la très sainte sacrée Vierge Marie. Je prie Dieu que la seigneurie que je vais faire prenne et profite à ma volonté. Je te conjure que tu casses et brises tout sort et enchantement qui pourrait être passé dessus le corps de mon vif troupeau de bêtes à laine que voici présent devant Dieu et devant moi, qui sont à ma charge et à ma garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de Monsieur Saint-Jean-Baptiste et Monsieur Saint-Abraham. Voyez ci-dessus ce que nous avons dit pour opérer au château de Belle et vous servez pour le jet et frottement des paroles qui suivent. Passe, Florie, Jésus est ressuscité. Garde contre la gale, rogne et clavelée. Ce fut par un lundi, au matin que le Sauveur du monde passa, la Sainte Vierge après lui, Monsieur Saint Jean son pastoureau, son ami, qui cherche son divin troupeau, qui est entiché de ce malin Clavio, de quoi il n'en peut plus, à cause des trois pasteurs qui ont été adorés, mon Sauveur rédempteur, Jésus-Christ en Bethléem, et qui ont adoré la voix de l'enfant. Dites cinq fois « Pater » et cinq fois « Ave ». Mon troupeau sera sain et joli, qui est sujet à moi. Je te prie, Madame Sainte Geneviève, qu'elle m'y puisse servir d'amie dans ce malin Clavio ici. Clavio banni de Dieu, renié de Jésus-Christ, je te commande de la part de grand Dieu que tu aies à sortir d'ici et que tu aies à fondre et confondre devant Dieu et devant moi comme fond la rosée devant le soleil. Très glorieuse Vierge Marie et le Saint-Esprit, Clavio, sort d'ici, car Dieu te le commande, aussi vrai comme Joseph Nicodème d'Arimathie a descendu le précieux corps de mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ le jour du Vendredi Saint de l'arbre de la croix. De par le Père, de par le Fils, de par le Saint-Esprit, digne troupeau de bêtes à laine, approchez-vous d'ici, de Dieu et de moi. Voici la divine offrande de sel que je te présente aujourd'hui. Comme sans le sel rien n'a été fait, et par le sel tout a été fait, comme je le crois, de par le Père, etc. Ô sel, je te conjure de la part du grand Dieu vivant que tu me puisses servir à ce que je prétends, que tu me puisses préserver et garder mon troupeau de rognes, galles, pousses, de poussets, de gobes et de mauvaises eaux. Je te commande, comme Jésus-Christ mon Sauveur a commandé dans la nacelle à ses disciples lorsqu'ils lui dirent « Seigneur, réveillez-vous car la mer nous effraie ». Aussitôt le Seigneur s'éveilla, commanda à la mer de s'arrêter, aussitôt la mer devint calme, commandée de par le Père, etc. Avant toute chose, à cette garde prononcée sur le sel, « Panem calestum accipiat sit nomen domine invocabis ». Puis ayez recours au château de Belle et faites le jet et les frottements, prononçant ce qui suit. Eum ter ergo docentes omnes gentes baptisantes eos in nomine patris, etc. Garde contre la Galle. Quand notre Seigneur monta au ciel, sa sainte vertu en terre laissa. Pâle, Colet et Hervé. Tout ce que Dieu a dit a été bien dit. Bête rousse, blanche ou noire, de quelque couleur que tu sois, s'il y a quelque gale ou rogne sur toi, fût-elle mise et faite à 9 pieds dans terre, il est aussi vrai qu'elle s'en ira et mortira, comme Saint Jean est dans sa peau et a été né dans son chameau. Comme Joseph Nicodème d'Arimathie a dévalé le corps de mon doux sauveur rédempteur Jésus-Christ de l'arbre de la croix le jour du vendredi saint. Vous vous servirez pour le jet et pour les frottements des mots suivants et aurez recours à ce que nous avons dit au château de Belle. Celle je te jette de la main que Dieu m'a donnée, volo et vono battista sancta acca lactum est. Garde pour empêcher les loups d'entrer sur le terrain où sont les moutons. Placez-vous au coin du soleil levant et prononcez 5 fois ce qui va suivre. Si vous ne le souhaitez, prononcez qu'une fois, vous en ferez autant 5 jours de suite. Viens, bête à laine, c'est l'agneau d'humilité, je te garde, Ave Maria. C'est l'agneau du Rédempteur qui a jeûné 40 jours sans rébellion, sans avoir pris aucun repas de l'ennemi, fut tenté en vérité. Va droit, bête grise, agrie, agrippeuse, va chercher ta proie, loup et louves et louveteaux, tu n'as point à venir à cette viande qui est ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et du bienheureux sincère, aussi va des rétro, ô Satana. Ceci prononcé au coin que nous avons dit, on continue de faire de même aux autres coins. Et de retour où l'on a commencé, on le répète de nouveau. Voyez pour le reste le château de Belle, puis faites le jet avec les paroles qui suivent. Vanus, Vanes, Christus, Vincus, attaquez Celle, Soli, attaquez Saint-Sylvain, au nom de Jésus. Garde pour les chevaux. Celle qui est faite et formée de l'écume de la mer, je te conjure que tu fasses mon bonheur et le profit de mon maître. Je te conjure au nom de Cronet, Don, je te conjure au nom de Crouet, Satan, je te conjure au nom de Crouet, Léo, je te conjure au nom de Crouet, Lalliot, je te conjure au nom de Crouet, Roux et Rouvaillet. Viens ici, je te prends pour mon valet en jetant le sel. Fisti, Christi, Bélial, gardez-vous de dire Rouvoyer. Ce que tu feras, je le trouverai bien fait. Cette garde est forte et quelquefois pénible. Voyez ce que nous avons enseigné au château de Belle, touchant les gardes. De la ventriloquie. Il est inutile d'expliquer ce qu'on entend par ventriloque. Le nom porte avec lui sa définition. Pourtant, c'est une erreur que de croire que des habiles à morfondre le corps humain, à lui faire subir des métamorphoses, puissent parler du ventre. L'Antiquité l'a cru, c'est à tort. Toutes les opérations surprenantes des ventriloques se préparent et s'exécutent dans leur bouche. On excuse les Grecs d'avoir pensé que la voix inspirée de la pitié provenait de ce que l'esprit s'était introduit dans son ventre. Peut-être que, voyant remuer les lèvres de la pitié pendant qu'elle prophétisait, comme cela arrive chez beaucoup de ventriloques quand ils parlent, ils en ont conclu que le son de la voix prenait une autre issue. L'archevêque Eustache, qui composa un traité sur la fameuse pythonisse d'Endor, ne place point ailleurs l'éloquence de la pythonisse, et quand elle évoqua l'ombre de Samuel qu'elle fit parler devant Saul, c'est qu'elle était possédée du démon qui l'obsédait. Dans le livre des Septante, on lit que la pythonisse d'Endore était une sorcière ventriloque. Des magistrats, dont l'un, le grand juge Henri Bog, et des savants, comme Deio, assurent que l'on reconnaît un possédé à la qualité de sa voix. Si elle est sourde et enrouée, nul doute qu'il ne faille recourir incontinent aux exorcismes. Or, comme les ventriloques affectent quelquefois des tons vagues, peu articulés, fugitifs, il s'ensuivrait nécessairement que les ventriloques étaient possédés du démon. Depuis longtemps, les femmes ont renoncé à la ventriloquie, au moins n'en avons-nous entendu citer aucune parmi les générations contemporaines. Mais sans compter la pythie et la pythonisse d'Endor, il n'en était pas de même autrefois. Rolande du Vernoy, atteinte et convaincue d'être tout à la fois sorcière, possédée et ventriloque, fut impitoyablement condamnée et exécutée. Une autre femme, nommée Cécile, parut à Lisbonne vers le milieu du XVIe siècle et étonna tous les habitants par la manière dont elle savait varier sa voix. Elle parlait à volonté du coude, du pied et de partout ailleurs. Elle liait conversation avec un être invisible qu'elle appelait Pierre-Jean, qui répondait toujours à ses questions. Réputée sorcière et possédée du démon, on ne brûla pas Cécile, mais on la relégua dans l'île Saint-Thomas où elle mourut. Dans le même siècle, une petite vieille, qui paraissait parler du ventre, se fit voir en Italie. Sa voix avait quelque chose de si extraordinaire qu'on ne douta pas qu'elle ne fût sorcière et possédée. Elle avait coutume de se mettre nue pour se livrer à ses exercices. On ne sait ce qu'elle devint, ce qui fait supposer qu'elle ne fut pas brûlée. Barbara Jacobi fut une autre femme ventriloque. Elle fit l'admiration de la ville de Harlem en l'année 1685. Cette femme, pauvre et âgée, vivait à l'hôpital. C'est là que venaient la voir les curieux qui chaque jour remplissaient sa chambre. Elle se tenait debout, le visage tourné vers les rideaux de son lit, et commençait une conversation avec un homme qu'elle y supposait couché et qu'elle appelait Joachim. Elle lui adressait les questions les plus gaies sur les jeunes filles auxquelles elle disait qu'il faisait la cour. Joachim lui répondait et l'entretien était si naturel, l'illusion était si parfaite que tout le monde était tenté d'ouvrir les rideaux pour chercher Joachim. Mais il disparaissait aussitôt et se faisait entendre dans une autre partie de la chambre. Joachim savait toutes les anecdotes de la ville. Dans une de ses séances, il dit des choses si surprenantes touchant une jeune mariée que celle-ci s'enfuit tout éplorée. Les séances du ventriloque Thiémet étaient aussi très remarquables. On voyait Thiémet s'enfermer seul dans un pavillon étroit dressé au milieu du théâtre où il donnait des représentations de ventriloquie. D'abord, on entendait le son du cor dans le lointain, puis le jappement des chiens. Ces bruits se rapprochaient insensiblement et dans de fréquentes parenthèses, le meunier et la meunière, car Thiémet était censé être dans un moulin, causaient familièrement des menus détails d'intérieur. Bientôt on frappe à la porte du moulin, une voix de l'extérieur prit le meunier de se lever pour remettre dans la bonne voie un jeune seigneur égaré à la chasse. Alors grande dispute entre le mari et la femme, il veut se lever mais elle ne veut pas qu'il se lève, ses doléances sur la frayeur de rester seul n'empêchent point le meunier de s'habiller, suit un soliloque de la meunière abandonnée. Enfin le meunier revient et se recouche auprès de sa femme. La manière dont celle-ci reprochait à son mari d'avoir les genoux froids était le signal d'une explosion de rire parmi tous les spectateurs. Et c'était la clôture de cette scène qui ne durait pas moins d'une demi-heure. L'illusion était si complète que quand Thiémet reparaissait seul, c'était à peine si l'on pouvait en croire à ses yeux. Un épicier de Saint-Germain-en-Laye nommé Saint-Gilles s'est rendu également célèbre par la ventriloquie. Il possédait cet art au plus haut degré. Mais comme c'était chez lui une affaire d'amusement et non un objet de spéculation, il n'avait aucune raison pour dissimuler les secrets de l'art. En 1770, un abbé de la chapelle alla voir Saint-Gilles et le pria de répéter devant lui les prodigieux exercices dont il avait entendu parler. Saint-Gilles ne se fit pas prier. Il ne se donnait d'ailleurs ni pour un sorcier, ni pour un inspiré, et encore bien moins pour un possédé du démon. Tantôt sa voix parut descendre du haut des airs, et le moment d'après sortir d'un souterrain. Tantôt il l'éloignait, la rapprochait à sa fantaisie. Enfin, il lui donnait toutes les nuances imaginables. On raconte de Saint-Gilles plusieurs traits qui font honneur à l'emploi qu'il faisait de son talent. Un abbé très avare et possédant trois prébendes vint un jour le voir. L'épicier le conduisit dans la forêt de Saint-Germain. Comme il s'entretenait de choses et d'autres, une voix solennelle retentit du haut des airs et reproche à l'abbé ses trois bénéfices, sa dureté, son avarice, et menace, s'il ne change de vie, de le faire périr sous les ruines de sa maison. L'épicier feint d'éprouver lui-même la terreur que sa voix inspire à l'abbé. Et comme personne n'est près d'eux, l'abbé croit avoir tout au moins entendu la voix d'un ange qui l'avertit à temps. Il se dirige vers l'église du Pec, où il fait ses prières, dépose un écu de 6 livres dans le tronc des pauvres, retourne à Paris et consacre ensuite sa vie à la retraite et à la pénitence. Une autre fois, Saint-Gilles fit servir son art et ramener la paix dans un ménage. Un jeune homme, marié seulement depuis 3 ans, venait d'abandonner sa femme, qui était une personne charmante, pour suivre une indigne maîtresse. L'épicier dit de le lui amener sans affectation et qu'il se chargeait de le faire rentrer dans ses devoirs. Ayant conduit comme par hasard le jeune homme dans un lieu solitaire, il lui fit entendre ces paroles. « Tu as quitté ta femme pour une prostituée. Ta femme sollicite contre toi une lettre de cachet. Si tu ne rentres promptement dans ton devoir, tu mourras en prison et après ta mort, tu seras livré aux flammes éternelles. » La leçon ne fut pas perdue. Dans son effroi, le jeune homme courut auprès de sa femme solliciter son pardon, et depuis lors, ils firent bon ménage. Le baron de Mengen portait habituellement dans sa poche une petite poupée avec laquelle il entrait en conversation. Il l'interpellait et elle répondait toujours à propos. La poupée était douée de beaucoup de tact et d'esprit, et l'on aurait juré que c'était elle qui parlait. Un jour, il arriva qu'un gros Anglais, impatient de ne pouvoir deviner le secret de la poupée, se jeta précipitamment sur la poche du baron pour le découvrir. À peine la poupée s'est sentie violentée qu'elle se met à pousser les hauts cris et signale à toute la compagnie l'affreuse inconvénience de la conduite de l'Anglais. Il n'y a pas longtemps que le prestidigitateur comte, très habile en ventriloquie, alla faire un voyage en Belgique. La diligence s'arrêta pour rafraîchir dans un village. Et M. Comte, avant d'entrer dans l'auberge, aperçut près de là le convoi d'un mort que l'on portait à bras vers le cimetière. Il s'en approche. Tout à coup, le mort n'est plus mort. Il a parlé du fond de sa bière et le convoi, effrayé, retourne en hâte au domicile du défunt. Philippe, acteur du vaudeville, a improvisé la scène suivante de ventriloquie. Il y a quelques années, il épousa Mademoiselle Volney, qui possédait une belle propriété en Touraine. Les paysans, quand les deux époux allèrent visiter ensemble cette terre, leur avaient préparé une réception toute châtelaine et quasi féodale. Mais Philippe, au lieu de recevoir sa part des honneurs rendus au nouveau seigneur du village, se confondit parmi les groupes, il fit sortir des voix menaçantes d'un orchestre de musiciens et des voix avinées du fond d'un tonneau. Les jeunes filles entendirent des déclarations galantes sans qu'elles pussent soupçonner d'où elles venaient, et les jeunes garçons attribuèrent tout au moins à un malin esprit les reproches qui leur furent adressés sur leur paresse. Ce fut, comme on le peut présumer, une scène fort plaisante, tout à l'honneur de la ventriloquie, de l'imagination et de la frayeur. L'imagination est pour beaucoup dans les rêves, les songes, les chimères, les terreurs paniques, les superstitions, les préjugés, les prodiges, les châteaux en Espagne, le bonheur, la gloire, et tous ces récits d'esprits et de revenants, de sorciers et de diables. Le domaine de l'imagination est immense, son empire est despotique, une grande force d'esprit peut seule en réprimer les écarts. On a vu le sculpteur adorer l'idole de bois qu'il avait taillée, le peintre s'agenouiller devant son ouvrage, et le théologien, effrayé de la profondeur de ses méditations. Un Athénien rêva qu'il était fou, et le devint, peur s'être frappé de l'idée de son rêve. Athénée raconte que quelques gens d'Agrigente étant ivres dans une chambre de cabaret, se crurent sur une galère au milieu de la mer en furie, et jetèrent par les fenêtres tous les meubles de la maison pour soulager le bâtiment. On peut encore dominer l'imagination, venons-nous de dire, mais la frayeur n'est pas une fièvre qu'on puisse maîtriser. On ne guérit pas de la peur, dit-on vulgairement. nous allons rapporter successivement des exemples d'imagination et de frayeur, exemples qui prouveront mieux leur puissance que le plus fort argument. Il y avait à Athènes un fou qui se croyait maître de tous les vaisseaux qui entraient dans le Pirée et donnait ses ordres en conséquence. Horace parle d'un autre fou qui croyait toujours assister à un spectacle et qui, suivi d'une troupe de comédiens imaginaires, portait un théâtre dans sa tête où il était tout à la fois et l'acteur et le spectateur. Il observait d'ailleurs tous les devoirs de la vie civile. On voit dans les maniaques des choses aussi singulières. Tel s'imagine être un moineau, un vase de terre, un serpent. Tel autre se croit un dieu, un orateur, un comédien, un Hercule. Et parmi les gens qu'on dit sensés, en est-il beaucoup qui maîtrisent leur imagination et se montrent exempts de faiblesse et d'erreur? Un homme, pauvre et malheureux, s'était tellement frappé l'imagination de l'idée des richesses qu'il avait fini par se croire dans la plus grande opulence. Un médecin le guérit et il regretta sa folie. L'imagination qui apporte les chagrins et les maux fait aussi quelquefois le bonheur. Elle nourrit d'espérance et berce de chimères. Sans l'imagination, l'homme aurait quelques peines de moins, mais il n'aurait plus de jouissance. On a vu en Angleterre un homme qui voulait absolument que rien ne l'affligeât dans ce monde. En vain, on lui annonçait un événement fâcheux, il s'obstinait à le nier. Sa femme étant morte, il n'en voulut rien croire. Il faisait mettre à table couvert de la défunte et s'entretenait avec elle, comme si elle eût été présente. Il en agissait de même lorsque son fils était absent. Près de sa dernière heure, il soutint qu'il n'était pas malade et mourut avant d'en avoir eu le démenti. On attribue ordinairement à l'imagination des femmes la production des fœtus monstrueux. M. Salgue a voulu prouver que l'imagination n'y avait aucune part, en citant quelques animaux qui ont produit des monstres, et par d'autres preuves insuffisantes. Plessman, dans sa médecine puerpérale, Haritting, dans une thèse, De Mangeon, dans ses considérations physiologiques sur le pouvoir de l'imagination maternelle dans la grossesse, soutiennent l'opinion générale parce qu'elle est naturelle et prouvée. Tout le monde connaît les effets de la terreur et des émotions fortes. Lemnius rapporte qu'un certain empereur ayant condamné à mort pour cause de viol un beau jeune homme, celui-ci fut tellement affecté de cette nouvelle que sa barbe et ses cheveux en devinrent blancs et son visage fut si fort altéré en peu d'heures qu'ayant paru devant le tribunal pour entendre son arrêt, il ne fut plus reconnu de personne, pas même de l'empereur, qui crut qu'on lui présentait un personnage supposé, ou que le coupable avait employé l'art pour blanchir sa barbe et ses cheveux et pour se défigurer. Mais, ayant vu ensuite que c'était là un effet naturel de la crainte du supplice, cet empereur fut touché de compassion et pardonna au jeune homme, le jugeant assez puni par la révolution qu'avait opérée en lui la crainte de la peine due à son délit. Équay parle d'un homme qui, s'étant couché avec les cheveux noirs, se leva le matin avec les cheveux blancs parce qu'il avait rêvé qu'il était condamné à un supplice cruel et infamant. Dans le dictionnaire de police des Essarts, on trouve l'histoire d'une jeune fille à qui une sorcière prédit qu'elle serait pendue, ce qui produisit un tel effet sur son esprit qu'elle mourut suffoquée la nuit suivante. Les femmes enceintes défigurent leur enfant, quoique déjà formé dans la matrice, parce que leur imagination, qui n'est pas assez forte pour leur donner la figure des monstres qui les frappent, l'est assez pour arranger la matière du fœtus, beaucoup plus chaude et plus mobile que la leur, dans l'ordre essentiel à la production de ces monstres. Malebranche parle d'une femme qui, ayant assisté à l'exécution d'un malheureux condamné à la roue, en fut si frappée qu'elle mit au monde un enfant dont les bras, les cuisses et les jambes étaient rompues à l'endroit où la barre de l'exécuteur avait frappé le condamné. Une femme enceinte jouait aux cartes. En relevant son jeu, elle voit que pour faire un grand coup, il manque l'as de pique. La dernière carte qui lui rentre était effectivement celle qu'elle attendait. Une joie immodérée s'empare de son esprit, se communique comme un choc électrique à toute son existence. Et l'enfant qu'elle mit au monde porta dans la prunelle de l'œil la forme d'un as de pique, sans que l'organe de la vue fût d'ailleurs offensé par cette conformation extraordinaire. « Le trait suivant est encore plus étonnant, dit Lavater. Un de mes amis m'en a garanti l'authenticité. Une dame de condition du Rhintal voulut assister dans sa grossesse au supplice d'un criminel qui était condamné à avoir la tête tranchée et la main droite coupée. Le coup qui abattit la main effraya tellement la femme enceinte qu'elle détourna la tête avec un mouvement d'horreur et se retira sans attendre la fin de l'exécution. Elle accoucha d'une fille qui n'eut qu'une main et qui vivait encore lorsque mon ami me fit part de cette anecdote. L'autre main sortit séparément d'abord après l'enfantement. Torquemada conte qu'un mari allant déguisé en diable à un bal masqué s'avisa sous cet accoutrement de caresser sa femme. Elle enfanta un monstre qui avait le visage d'un démon tel qu'on les représente. Le pape Martin IV aimait beaucoup les ours et en avait toujours quelques-uns dans son palais. Une illustre romaine qui probablement ne partageait pas ses goûts à l'égard de ces sortes d'animaux, ayant eu d'intimes liaisons avec lui, accoucha d'un fils velu comme un ours. Il est certain qu'on exagère ordinairement ces phénomènes. On a vu des fœtus monstrueux à qui on donnait gratuitement la forme d'un mouton, et qui étaient aussi bien un chien, un cochon, un lièvre, etc., puisqu'ils n'avaient aucune figure distincte. On prend souvent pour une cerise, ou pour une fraise, ou pour un bouton de rose, ce qui n'est qu'un sein plus large et plus coloré qu'ils ne le sont ordinairement. Un homme laid comme Ésope eut de beaux enfants parce qu'il mettait continuellement de belles peintures sous les yeux de sa femme. Piron racontait souvent qu'il avait l'âge de 10 ans environ lorsqu'un soir d'hiver, soupant en famille chez son père, on entendit des cris affreux qui partaient de chez un tonnelier voisin. On alla voir ce que c'était. Arrivé à la porte du tonnelier, un petit garçon transi de peur conduisit les curieux dans la chambre d'où venaient les cris qui redoublèrent bientôt. « Ah, de grâce, messieurs, dit le tonnelier, tremblant, presque nu et couché en travers de son lit, daignez au plus tôt faire appeler un prêtre et un chirurgien, car je sens que je n'ai pas longtemps à vivre. » Le père de Piron, après avoir chargé un domestique de remplir les intentions du prétendu moribond, s'étant approché de lui et l'ayant interrogé sur les causes de sa maladie, « Vous voyez, mon cher voisin, répondit le tonnelier, l'homme le plus malheureux. « Ah, maudite femme, on m'avait bien dit que tes liaisons avec la vieille haine, la plus détestable sorcière de la Bourgogne, ne tardèrent guère à m'être fatale. » Ces propos faisant soupçonner que la tête de cet homme était dérangée, on attendit que le prêtre et le chirurgien fussent arrivés. Lorsqu'il les vit entrer, « Messieurs, s'écria le tonnelier, j'implore votre secours, je suis un homme mort. Si l'on ne peut sauver le corps, sauvez au moins mon âme. » « Sachons d'abord, lui dirent les deux nouveaux venus, de quoi il s'agit. « Voyez, dit le prêtre au chirurgien, si la maladie exige auparavant les secours de mon ministère. « Tâchez donc, mon ami, dit-il au malade, de dire à monsieur quel est votre mal et quelle en est la cause. « Ah, faut-il que je sois forcé, en vous disant d'où partent mes douleurs, de déshonorer ma femme même ? Mais elle le mérite, et dans mon état, je n'ai plus rien à ménager. » Apprenez donc, messieurs, qu'en rentrant chez moi ce soir, après avoir passé 2 heures au plus chez le marchand de vin du coin, ma femme, qui me croit toujours ivre, m'ayant trop poussé à bout, je me suis vu forcé pour pouvoir me coucher en paix, d'être un peu rude à son égard, sur quoi la coquine, après m'avoir menacé de sa vengeance, s'étant sauvée du logis, je me suis déshabillé pour gagner mon lit, mais au moment d'y monter, Dieu, quelle vengeance la méchante créature m'avait préparée. Une main, pour ne pas dire une barre de fer, est plus brûlante qu'un tison m'est tombée, sauf respect, sur la fesse droite. Et la douleur que j'en ai ressentie, jointe à la peur qui m'a saisie, m'a fait manquer le cœur au point que je ne crois pas y survivre. Mais vous en riez tous, je crois, dit-il en s'interrompant de nouveau. Eh bien, messieurs, voyez, poursuivit-il en montrant son derrière. « Voyez si je vous en impose, et si toute autre main que celle de Lucifer même put jamais appliquer une pareille claque. » Au premier aspect de la plaie, de sa noirceur et des griffes qui semblaient y être imprimées, la plupart des assistants furent saisis d'horreur, et le petit Piron voulut se sauver. Mais l'ecclésiastique rassura le malade sur les idées qu'il avait conçues, tant contre sa femme que sur la prétendue sorcière, et le chirurgien lui appliqua les remèdes convenables à sa blessure. On le laissa un peu dans son effroi, ce qui le corrigea légèrement de son ivrognerie. Ce qui est singulier, c'est que, quoique ce fût un remède employé par sa femme, au moyen d'un parent qu'elle avait caché dans la maison, pour corriger l'intempérance du tonnelier, L'impression qu'avait faite sur le jeune Piron cette singulière blessure s'était si profondément gravée dans son esprit que pendant longtemps, chaque fois qu'il devait se mettre au lit, il commençait par s'y asseoir, tant la claque du tonnelier lui avait donné de terreur. Procédé pour magnétiser. Aujourd'hui que le magnétisme animal, qui a repris faveur depuis quelque temps et que des expériences nouvelles tendent à confirmer de plus en plus, malgré le mauvais vouloir des médecins et des pharmaciens, nous allons essayer de faire connaître la doctrine de Mesmer telle qu'elle est développée et consignée dans son ouvrage imprimé à Genève en 1779 avec pour titre « Mémoire sur la découverte du magnétisme animal dont le résultat est que la nature offre un moyen universel de guérir et de préserver les hommes ». D'abord l'opinion, si célèbre autrefois, de l'influence des corps célestes sur la planète que nous habitons, est regardée par lui comme les débris d'une vérité primitivement reconnue, mais avilie depuis par l'ignorance et ensevelie sous les voiles épais des préjugés et des opinions vulgaires. La philosophie, dit-il, a quelquefois fait des efforts pour se dégager des erreurs et des préjugés, mais en renversant ses édifices avec trop de chaleur, elle en a recouvert les ruines avec mépris, sans fixer son attention sur ce qu'elle renfermait de précieux. Cherchant donc à découvrir s'il existait entre les corps qui composent notre globe une action également réciproque et semblable à celle des corps célestes sur la Terre, dont il résulte singulièrement cet effet si connu du flux et du reflux de la mer, il crut reconnaître que les planètes exercent une action directe sur toutes les parties constitutives des corps animés, singulièrement sur le système nerveux, moyennant un fluide qui pénètre et que nous éprouvons des effets alternatifs, analogues à ceux qu'éprouve la mer. En conséquence, à cette propriété du corps animal qui le rend susceptible de l'action des corps célestes et de la Terre, il donna le nom de magnétisme animal, au moyen duquel il expliquait les révolutions périodiques dans les femmes et celles que les médecins observent dans les maladies. L'harmonie des corps organisés, dit-il, une fois troublée, doit éprouver des incertitudes si elle n'est rappelée et déterminée par l'agent général. Le magnétisme animal, malgré l'analogie de ses propriétés avec celles de l'aimant et de l'électricité, est essentiellement, suivant lui, distinct de l'aimant. L'usage de l'aimant, quoique utile, est toujours imparfait sans le secours de la théorie du magnétisme animal. Mais comme on attribuait à l'aimant et à l'électricité les effets de la méthode curative de Mesmer, il déclara que, depuis 1776, il s'était déterminé à ne plus faire aucun usage de l'électricité ni de l'aimant. Pour donner une idée des effets singuliers qui résultent de son système, nous rapporterons littéralement ce qu'il dit de la manière dont il s'y prit pour convaincre un incrédule, M. Ingenhous, membre de l'Académie royale de Londres et inoculateur à Vienne. Mesmer avait entrepris chez lui le traitement d'une demoiselle âgée de 29 ans nommée Esterline, attaquée depuis plusieurs années d'une maladie convulsive dont les symptômes les plus fâcheux étaient que le sang, se portant avec impétuosité vers la tête, excitait dans cette partie les plus cruelles douleurs de dents et d'oreilles, lesquelles étaient suivies de délires, fureurs, vomissements et syncopes. Vers l'année 1776, cette demoiselle éprouva une frayeur et un refroidissement qui lui occasionnèrent une suppression subite. Elle retomba dans ses premières convulsions. « J'invitais, dit Mesmer, M. Ingenhous, à se rendre chez moi. Il y vint accompagné d'un jeune médecin. La malade était alors en syncope avec des convulsions. Je le prévins que c'était l'occasion la plus favorable pour se convaincre par lui-même de l'existence du principe que j'annonçais et de la propriété qu'il avait de se communiquer. Je le fis approcher de la malade dont je m'éloignais en lui disant de la toucher. Elle ne fit aucun mouvement. Je le rappelai près de moi et lui communiquai le magnétisme animal en le prenant par les mains. Je le fis ensuite rapprocher de la malade en me tenant toujours éloigné et lui dis de la toucher une seconde fois. Il en résulta des mouvements convulsifs. Je lui fis répéter plusieurs fois cet attouchement qu'il faisait du bout du doigt, dont il variait chaque fois la direction et toujours à son grand étonnement, il opérait un effet convulsif dans la partie qu'il touchait. Je lui proposai une seconde épreuve. Nous nous éloignâmes de la malade de manière à n'en être pas aperçue, quand même elle aurait eu sa connaissance. J'offris à M. Higgenhouz 6 tasses de porcelaine et le priai de m'indiquer celle à laquelle il voulait que je communiquasse la vertu magnétique. Je la touchai après son choix. Je fis ensuite appliquer successivement les 6 tasses sur la main de la malade. Lorsqu'on parvint à celle que j'avais touchée, la main fit un mouvement et donna des marques de douleur. M. Higgenhouz, ayant fait repasser les 6 tasses, obtint le même effet. Je fis alors apporter ces tasses dans le lieu où elles avaient été prises et après un certain intervalle, lui tenant une main, je lui dis de toucher avec l'autre celle de ces tasses qu'il voudrait, ce qu'il fit. Ces tasses rapprochées de la malade comme précédemment, il en résulta le même effet. La communicabilité du principe étant bien établie, je lui proposai une 3e expérience pour lui faire connaître son action dans l'éloignement et sa vertu pénétrante. Je dirigeai mon doigt vers la malade à la distance de 8 pas. Un instant après, son corps fut en convulsion au point de la soulever sur son lit avec les apparences de la douleur. Je continuai dans la même position à diriger mon doigt vers la malade en plaçant M. Higgenhouz entre elle et moi. Elle éprouva les mêmes sensations. Tel est le récit des faits rapportés par Mesmer. C'est avec ces principes qu'il assure avoir guéri les mélancolies vaporeuses avec vomissements spasmodiques, les obstructions invétérées à la rate, au foie, au mésentère, des gouttes sereines, des paralysies générales avec le tremblement, des paralysies absolues des jambes avec atrophie, des vomissements habituels, des cachexies scrofuleuses, etc. La vertu magnétique telle que la possédait Mesmer est l'art d'accumuler et concentrer le fluide, ressort universel du mécanisme du monde, de manière à le transmettre dans la direction convenable aux corps animés. Chacun, précisément parce qu'il a la vie, possède en soi les premières dispositions de cette vertu. Elles sont plus faciles à développer dans les unes que dans les autres. Il n'est personne qui ne puisse, avec de la constance, se l'approprier dans un degré éminent. On doit l'entretenir après l'avoir acquise, sans quoi elle s'affaiblirait par le laps de temps ou quelque accident particulier. Lorsqu'on veut aimanter une barre d'acier, le plus simple est de la frotter sur une direction connue avec des pièces qui possèdent déjà la vertu magnétique. Il en est de même du magnétisme animal. Lorsqu'on veut se procurer sa vertu, il faut se frotter contre des corps qui la possèdent. Chaque individu l'ayant plus ou moins, il est évident que la seule pratique du magnétisme animal doit donner la vertu magnétique. Voici la manière de se la procurer, d'après les observations de M. Régnard, professeur de physique au collège d'Amiens. Premièrement, qu'on fasse faire en peau très mince et très propre un sachet allongé et piqué ou un petit matelas de 12 à 15 pouces de longueur sur 3 de largeur dans un de ses bouts, et 5 ou 6 dans l'autre, ayant un peu moins d'un demi-pouce d'épaisseur, bien rempli d'un mélange de soufre et de limaille de fer. Il convient de mettre 2 parties de soufre sur 1 de limaille de fer la plus fine. Il est essentiel de broyer très exactement à sec le mélange des 2 matières dans un mortier de fer bien propre. Deuxièmement, lorsqu'on l'aura tenu sur soi pendant plusieurs heures, pour peu qu'on se donne d'exercice et qu'on ait chaud, on se trouvera insensiblement pénétré de la vertu sulfuro-électrique et assez pour agir efficacement sur de jeunes personnes et sur toutes celles qui ont la fibre délicate et le genre nerveux sensible. Troisièmement, veut-on être plus armé encore? Qu'on prenne le matin à jeun 2 ou 3 pastilles de soufre. Si elles sont bien sèches et bien faites, elles ne seront point désagréables au goût. Quatrièmement, ainsi armé depuis quelques heures du sachet et des pastilles bien digérées, vous presserez vos pieds contre ceux de la personne que vous voudrez magnétiser. Vous promènerez sur la veste ou sur le corsage de cette personne votre main gauche ouverte le long du dos, en même temps que vous présenterez la main droite au creux de l'estomac. Tantôt en frottant à plat sur le corsage ou sur la veste, tantôt en réunissant vos doigts en pyramide, et faisant autour de l'estomac de petits cercles et revenant toujours au creux de l'estomac. Cinquièmement, quelques personnes n'emploient pas tant de précautions. Cinq bâtons de soufre, longs et gros d'un pouce environ, leur suffisent. Ils s'en mettent au creux de l'estomac, deux aux cuisses, deux sous les aisselles, et les voilà en état, en moins d'une heure, de magnétiser, de donner des courbes de ventre, des nausées, des palpitations et divers sentiments fâcheux d'abord et incommodes, mais dont les suites ne les alarment point, parce qu'en effet les sulfurisés s'en sont toujours mieux trouvés après et que ces affections n'ont lieu que chez les personnes remplies d'obstructions récentes, manquant d'appétit, rongées de rhumatismes sourds, de migraines, etc. Il est de fait que les personnes grasses bien portantes et qui n'ont aucun vice dans les humeurs ni dans les viscères n'éprouvent rien, sinon des envies un peu plus fréquentes d'uriner et un meilleur appétit. Sixièmement, plus il y aura de personnes qui feront chaîne en rond, qui se tiendront par la main en se pressant les pieds, debout ou assise, peu importe, plus la personne que vous magnétiserez sentira vivement et puissamment l'action du souffle. Tâchez d'obtenir quelques silences et que la personne qui se prête au traitement daigne suivre sérieusement ce qui se passera en elle. Quelquefois, dans l'instant même, mais au plus tard, en 7 ou 8 minutes, elle vous dira « Je sens des grouillements dans les intestins. » Vous-même les entendrez. « Je sens une grande chaleur aux reins, entre les deux épaules. Voici les fumées qui me montent à la tête. » L'artère battra plus vite, suivront dans certains cas, des crises telles que les convulsions, les défaillances, les syncopes, etc. Manière de magnétiser. Imposez légèrement l'extrémité de vos doigts sur les hypochondres, la main droite sur le côté gauche, la main gauche sur le côté droit. Imposez en même temps l'extrémité de vos pouces sur le creux de l'estomac. Excitez des frottements légers. Après un temps moral, ramenez les autres doigts vers le milieu du corps. Quittez la personne que vous touchez. Étendez l'index vers elle, coulez-le dans cette attitude le long de son corps à 3 ou 4 pouces de distance, comme pour soutirer la traînée du fluide que vous venez d'établir entre elle et vous, et la rendre à terre. Pendant l'opération, ayez soin de ne pas perdre la communication avec la terre, et pour la recommencer, ramenez l'une de vos mains, la pointe de l'index tournée vers le ciel afin de renouveler le fluide dont vous avez besoin. Tout cela s'opère à travers les vêtements quelconques, quoique les habits trop épais soient embarrassants. Toutes les parties du corps sont susceptibles d'opérations semblables. Ses extrémités et les endroits où gisent les réseaux de nerfs, que les anatomistes nomment plexus, sont les plus sensibles et communiquent le mieux avec la généralité de l'organisation. Le fluide s'introduit par la substance des nerfs, et les nerfs courent principalement de haut en bas. Mais ils ont leur sinuosité, leur circuit, leur retour relatif à la conformation et aux usages de chaque partie du corps, à quoi il faut avoir égard pour les frottements, tandis que le soutirement du fluide, opération générale, doit se faire de haut en bas, sans autre exception marquée que celle du front. Il peut s'y faire de bas en haut, jusqu'au sommet de la tête, où il reprend le cours opposé. On recommande expressément aux personnes qui veulent magnétiser de quitter le tabac et les perruques, de se baigner, de se peigner, de soigner leurs pieds, leurs ongles, leur bouche, leur langue, leurs dents, afin de laisser un libre cours au fluide. Baquet à magnétiser. Voici comment se dispose cet appareil. Supposons une cuve ou baquet rond ou elliptique de 5 pieds de diamètre, élevé sur des pieds droits à quelques pouces de terre et recouvert par-dessus d'un couvercle qui puisse s'en être aisément séparé. Faites au couvercle des trous tout autour de 5 à 6 pouces du bord et à des distances convenables les uns des autres. Plongez dans ces trous des verges de fer rondes et terminées en pointe à leurs extrémités extérieures. Recourbez ces verges à quelque distance de leur sortie du baquet. Autour de ce baquet, placez des personnes assises, au nombre qu'il vous conviendra. Le plus sera le mieux. Qu'elles s'appliquent chacune l'extrémité d'une verge de fer à l'estomac, soit aux hypochondres, soit à tout autre endroit malade. Dans l'intérieur du baquet et au milieu, placez quelques hôtées de sable et remplissez le reste d'eau, de manière qu'elle ne déborde pas. Les influences des personnes assises, alentour, magnétiseront le tout, et ce sera à vous à propager, augmenter et diriger le fluide par vos procédés, tant sur les individus en particulier que sur la généralité. Il est possible que pour faciliter ces appareils, il soit bon d'y ajouter du verre, de la limaille de fer, du soufre, de l'ambre ou quelques autres substances aussi simples, mais ce ne sont que superfluités ou commodités du moment. Il en est de même des préparations corporelles. La circulation du fluide s'augmente considérablement par ce qu'on appelle la chaîne. Chacun se trouvant placé autour du baquet pour donner la droite à la gauche de son voisin, tout le monde se prend et se tient par le pouce. On peut faire la même chose avec les pieds ou en même temps avec les pieds et les mains. Par le même principe, on fait régner autour du baquet une corde de simple chanvre avec laquelle chacun prend soin de communiquer. On magnétise un arbre comme un homme et lorsqu'il est magnétisé, non seulement il propage et augmente votre vertu, mais même en votre absence, il agit sur les personnes qui viennent s'appuyer contre lui. On magnétise sa canne en la tenant la pointe en l'air ou plongée dans le bain de quelqu'un, frottant la pomme circulairement et toujours en même sens dans le creux de sa main. Une verge de fer de 8 à 9 pouces de long étant plus maniable qu'une canne, on peut en tenir une et même deux dans la main. L'une la pointe en l'air pour saisir et renouveler le fluide, l'autre dirigée vers les personnes que l'on traite pour le transmettre et le conduire. Lorsque vous possédez la vertu magnétique, il n'y a plus de difficulté à diriger le fluide par la réflexion des glaces ou par le son et à produire les autres effets énoncés dans le mémoire sur la découverte du magnétisme animal par Mesmer. Faits merveilleux. Voici des faits curieux annoncés par une lettre insérée dans le journal de Paris, 1784, numéro 44. Monsieur Mesmer se trouvant un jour avec messieurs Caen et Deslon auprès du grand bassin de Meudon, leur proposa de passer alternativement de l'autre côté du bassin tandis qu'il restait à sa place. Il leur dit plonger une canne dans l'eau et y plongea la sienne. À cette distance, monsieur Caen ressentit une attaque d'asthme et monsieur Deslon la douleur au foie à laquelle il était sujet. On a vu des personnes ne pouvoir subir cette expérience sans tomber en défaillance. Un autre jour, monsieur Mesmer se promenait dans les bois d'une terre au-delà d'Orléans. Deux demoiselles, profitant de la liberté de la campagne, devancèrent la compagnie pour courir après lui. Il se mit à fuir, mais bientôt, revenant sur ses pas, il leur présenta sa canne en leur défendant d'aller plus loin. Aussitôt, leurs genoux plièrent sous elle. Il leur fut impossible d'avancer. Un soir, monsieur Mesmer descendit avec 6 personnes dans le jardin de monsieur le prince de Soubise. Il prépara un arbre et peu de temps après, madame la marquise de et messieurs de PR et Poulot tombèrent sans connaissance. Madame la duchesse de Chaulnes se tenait à l'arbre sans pouvoir le quitter. Monsieur le comte de Mons fut obligé de s'asseoir sur un banc, faute de pouvoir se tenir sur ses jambes. Monsieur Hang, homme très vigoureux, éprouva un effet terrible. Alors monsieur Mesmer appela son domestique pour enlever les corps. Il fallut attendre assez longtemps pour que chacun pût retourner chez soi. On a cherché à expliquer les effets du mesmérisme et les moyens étrangers dont se servait Mesmer pour les produire. Les uns ont dit qu'il mêlait de certaines résines avec de la poudre de pierre aimantée, qu'il électrisait ce mélange, qu'il s'en frottait les mains et qu'étant naturellement propre à recevoir la matière électrique et magnétique, aussitôt qu'il touchait de certaines personnes, il leur faisait éprouver des sensations différentes suivant leur tempérament. Les unes, dit-on, étaient purgées vivement, d'autres éprouvaient une sensation de chaleur. D'autres personnes ont cru qu'il avait dans sa poche une bouteille pleine de résines. Aucune d'elles n'a désigné l'espèce de résine. Qu'à cette bouteille était un crochet dont il tirait la matière électrique et qu'en étant pénétré, il produisait les effets dont nous venons de parler. D'autres ont pensé que ces prétendus prodiges ont quelque rapport indirect et même quelque conformité avec les phénomènes électriques ou électromagnétiques, qu'il est possible que Mesmer ait emprunté ses moyens d'un électrophore quelconque ou d'un composé électromagnétique et qu'il se soit imprégné de leur vertu au point de la transmettre aux constitutions faibles et délicates tandis qu'elle n'avait aucune action sur les tempéraments robustes. On assurait même qu'un médecin chimiste faisait des expériences sur des compositions chimiques qu'il appelait électro ou électromagnétiques dont quelques-unes, quand il en était assez imprégné, produisaient entre ses mains des impressions analogues à celles que faisait éprouver Mesmer et que son projet était de faire sur les plantes les mêmes expériences que Mesmer faisait sur les hommes. Les nouveaux magnétiseurs ont obtenu des résultats plus incroyables que ceux dont on s'étonnait du temps de Mesmer. Jésus-Christ, Apollonius de Tyane et tous les faiseurs de miracles qui ont opéré des guérisons regardées comme impossibles, et même des résurrections, possédèrent probablement le secret du magnétisme. Les hommes forts et beaux réussiront toujours à se procurer la puissance magnétique. Qu'ils essayent de se livrer à sa pratique, et bientôt ils seront convaincus par les phénomènes qu'ils produiront. Fin du chapitre 2, sous-chapitre 27 à 33, lu par Martine.